tourner, tourner, galérer sur le rinté. J'ai tourné, tourné, gros pour chercher du blé. J'ai tourné, tourné comme la roue fait tourner. La roue va tourner, j'ai pleuré avec mon nez. À chaque fois un tournant, c'est dur, c'est pas marrant. Ben des roses, c'est maintenant le passé, c'est le passé. Point 4-0, piston, piste, ma gueule, la patate. Un pétou, tu pétou, tu trompes ton enfant. J'ai tourné, tourné, galéré sur le rinté. J'ai tourné, tourné, gros pour chercher du blé. J'ai tourné, tourné comme la roue, je veux tourner. La roue va tourner, j'ai flair avec mon nez. A chaque pas un tournant, c'est dur, c'est pas marrant. Ben des roses, c'est maintenant le passé, c'est le passé. Panka zéro, piston, piste, ma gueule, la patate. Un pétou, du petit, tu te rappelles ton enfant. J'ai tourné, tourné, un tournant, une tannée. Les bleus tournent sur le terrain, j't'ai un taré. J'bougeais pas 13 bougies, j'fais le boulot, j'fais le battle comico. La scole sous commission, j'vois le casier, tu colmates. Dès le matin, ça en but. Sous ta mère, j'prends la fuite, c'est ma vie, c'est filmé, c'est réel, pas un film. Réel, pas un film, quand la crise va te lever. Je lève mon père à Zozo, lui qui tourne en zonzon. Une amitié de zinzin pour lui char le machin. Chacal machinalement, on en a fait du chemin. On a chié sur le terrain, midi minuit sans problème. Ça débite à lâcher, après minuit ça chiné. Ça parle même pas chinois, ça fait le taf en chantant. Toi tu chiales en garda, c'est bien moi que ta pouka. M'appelle pas mon frérot, c'est jaloux de mon frangin. Franchement le reste c'est chelou, je suis tout seul, c'est comme ça. Comme ça que j'ai tout niqué tout seul, moi j'ai tourné. Pas de mandat, pas de poteau, c'est si c'est pour l'hypothèse. Car je suis pas un hypocrite, c'est moi pas une face. Mec a jamais futé, son calbut est serré. C'est carré, je suis sérieux, le proc je l'ai mis sur le carreau. Ben des ropes, une carotte, la rape, je fais pas. T'es moi qu'à pourri sur du riz, la squale l'amour du riz. J'ai tourné, la retourne, c'est mon tour. J'ai tourné, tourné, galéré sur le rinté. J'ai tourné, tourné, gros pour chercher du blé. J'ai tourné, tourné, comme la roue, je fais que tourner. La roue va tourner, j'ai flair avec mon nez. A chaque fois un tournant, c'est dur, c'est pas marrant. Pète des gros, c'est maintenant le passé, c'est passé. Faut qu'à zéro piston, piste ma gueule, la patate. Un pétou du petit, tu te rappelles ton enfance. J'ai tourné, tourné, galéré sur le rinté. J'ai tourné, tourné, gros pour chercher du blé. J'ai tourné, tourné, comme la roue, je fais que tourner. La roue va tourner, j'ai flair avec mon nez. A chaque fois un tournant, c'est dur, c'est pas ma rampette est grosse et maintenant le passé c'est passé. Pour qu'à zéro piste on pisse ma gueule la patate. Un peu tout du petit tu traites ton enfance. J'ai tourné, tourné, galéré sur le rinté. J'ai tourné, tourné gros pour chercher du blé. J'ai tourné, tourné comme la roche fait que tourner. La roue va tourner, j'ai fleur avec mon nez. A chaque point en tournant c'est dur, c'est pas ma rampette est grosse et maintenant le passé c'est passé. Pour qu'à zéro piste on pisse ma gueule la patate. Un peu tout du petit tu traites ton enfance. Un peu tout du petit tu traites ton enfance. Ça.